Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour le cinquième des 12 épisodes de la série qu'il consacrait en 1964 à l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, Guy Erisman avait invité André Scheffner, qui dirigeait au Musée de l'Homme le département d'ethnomusicologie qu'il avait fondé en 1929 dans ce qui s'appelait encore Musée d'ethnographie du Trocadéro. Dans l'entretien que nous allons entendre, André Scheffner disait combien avait été déterminant l'apparition et le perfectionnement de l'enregistrement sonore pour l'ethnologie musicale, pour l'ethnologie en général, et faisait entendre divers documents sonores récoltés aux quatre coins du monde. En musicologue érudit et mélomane averti, il faisait aussi partager aux auditeurs de ce numéro de Magie et vérité des sons ses goûts, ses préférences en matière de musique classique enregistrée. Magie et vérité des sons, cinquième des 12 épisodes de l'enquête sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore, entretien avec André Scheffner, diffusé la première fois le 29 juillet 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Il serait exagéré de dire que l'ethnologie musicale n'est plus une science secrète, une science de spécialiste, une science de scientifique, et qu'elle est presque tombée dans le domaine public. Ça serait exagéré en effet, car elle reste, malgré tout, le domaine des scientifiques et des spécialistes. Mais je fais cette réflexion car, moi qui suis un profane, qui ne suis pas un spécialiste, j'ai dans ma discothèque de la musique représentant les cinq continents et des peuplades qui, pour moi, ne représentent pas grand-chose, je dois l'avouer. Mais j'ai toujours beaucoup d'émotion à écouter ces musiques. Mais j'ai pensé à ce que pouvait être précisément l'ethnologie musicale avant l'enregistrement sonore. André Scheffner, vous qui êtes chargé au Musée de l'Homme du département d'ethnomusicologie et qui êtes par surcroît président de la Société française de musicologie, je voudrais que vous me retraciez brièvement l'histoire de l'ethnologie musicale avant l'enregistrement sonore. Quel était le travail d'un ethnologue ? Ethnologue ou explorateur voyait des populations, notait l'existence d'instruments de musique, quelquefois se hasardait à noter des mélodies, des chants qu'il avait entendus. Mais tout cela, c'était extrêmement vague. Et à quelle époque a-t-on commencé à utiliser des moyens d'enregistrement et donc de reproduction sonore pour pousser plus avant l'étude de la musique primitive? Alors là, nous avons une date très précise. Les brevets d'Edison datent de 1877-78. Je ne sais pas à quelle époque exactement le phonographe Edison a été mis dans le commerce, mais en 1889, un ethnographe américain, Fuchs, a été travaillé chez des Indiens de la frontière des États-Unis et du Mexique, également du côté de Panama, et il a employé pour la première fois son phonographe. Edison, qui était assez prévoyant, car il avait défini en 10 points, que j'aurais bien du mal à énumérer d'ailleurs, en 10 points l'utilisation possible de son invention, a simplement noté l'utilisation dans le domaine de la musique, mais il a totalement passé sous silence l'utilisation de l'enregistrement sonore dans l'étude des musiques primitives. Mais j'ai l'impression que les ethnologues, eux, ont immédiatement saisi ce qu'il y avait d'intéressant à utiliser l'appareil d'Edison pour leur prospection. Oui, alors donc, en 89, les premiers enregistrements. Et déjà, un musicologue, plus ou moins amateur, mais un musicologue, un nommé Gilman, a étudié ces enregistrements et a publié une étude en 1891 sur quelques chants des Indiens Zuni. Ça, c'est le départ. Et alors, on emmenait à ce moment-là tout simplement un appareil Edison. Oui. Et ça va continuer en Europe. Là, il faut que je vous retrace un petit peu la vie de nommé Béla Vicar. Béla Vicar était un sténographe. Et même, il dirigeait le bureau de sténographie, ou le service de sténographie du Parlement hongrois. Il a vu que la sténographie pouvait être utile pour noter les paroles, naturellement, des chants, des mélodies et des contes populaires. Il a commencé ce travail et dès 1895 a passé de la sténographie au phonographe. Vous me citez Béla Vicar, qui est un Hongrois, mais je fais immédiatement un rapprochement avec Bartók, qui est Hongrois également. Y a-t-il là une coïncidence ou non, une filiation? Il y a une filiation. Vicar a donc fait énormément d'enregistrements, soit simplement des contes, soit des chants, toujours en Hongrie. Et vers 1898, mettons, il avait déjà 500 phonogrammes qui ont constitué la première phonothèque qui est entrée au musée d'ethnographie de Budapest. En 99, à Vienne, on a commencé à faire la même chose, à Paris vers 1900. Mais ce n'est qu'en 1905, à peu près, que Kodály s'est intéressé aux enregistrements de Vicar et a commencé à les noter. Bartók a suivi immédiatement. Et on peut dire que dès 1907, tous les trois, Vicar, Kodály, Bartók, faisaient équipe et ont prospecté tout le pays hongrois. Est-ce que vous avez l'impression que l'enregistrement sonore, c'est-à-dire la fixation des sons, a été une révolution dans la transcription manuscrite des musiques primitives? Ou bien cela a simplement été une facilité complémentaire? Ça a été une facilité, mais également une difficulté. Car tout d'un coup, on s'est aperçu que ce n'était pas si facile que cela. D'abord, l'enregistrement n'était pas très exact, enfin du moins très clair, soit. Ensuite, on aperçut des sons qui n'étaient pas faciles à écrire sur le papier. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre des enregistrements sur ces appareils Edison et qui dateraient des années 1900? Oui. Et alors justement, des phonogrammes de Berlin viennent d'être recopiés sur des micro-sillons, sans aucun filtrage. Vous avez tous les défauts des phonogrammes, de plus des phonogrammes usés. Alors, je vous propose d'entendre un certain nombre. Deux du Cameroun et un au Siam. Celui du Siam est extrêmement important, car c'est la première fois qu'on enregistre un gamelan, un orchestre du genre de celui qu'on connaît à Java ou à Bali. Mais oui. Siamois. Nous allons donc d'abord écouter ce document du Siam. Un orchestre de 9 flûtes ne flûte en à un son, accompagné par de tambours ou d'autres instruments à percussion, mais ça, toute cette percussion est très faible. Ensuite, des exemples de langage tambouriné, avec les hauteurs de son du langage reproduites sur des instruments. Voici maintenant les exemples de langage tambouriné dont nous parlait André Scheffner. Moi-même, j'ai encore enregistré en 31, 32 sur des Edison, car il n'y avait pas à ce moment-là d'autres appareils transportables. J'ai enregistré des musiques au Soudan et également j'ai enregistré des musiques ici au Musée de l'Homme, ayant eu des indigènes sous la main. Ce n'est qu'après la guerre de 39 qu'on a commencé à se servir de disques souples, puis après ça, de bandes. Il est bien évident que, malgré tout l'intérêt que représentait cette nouvelle invention qui consistait à fixer le son, il était très difficile, dans des missions lointaines, où notamment il n'y avait pas de courant électrique, d'en mener du matériel perfectionné. Vous étiez donc réduit à utiliser un appareillage très rudimentaire, qui était en somme l'appareil d'Edison plus ou moins perfectionné, mais qui avait quand même et son poids et un maniement extrêmement difficile. C'est ce qui explique sans doute cette lenteur de l'emploi des moyens d'enregistrement et de reproduction, par exemple jusqu'à la fin de la Seconde Guerre. Oui. Tout de même, avant la Seconde Guerre, Berlin fournissait énormément d'Edison à des voyageurs, à des explorateurs. Mais c'était toujours le même appareil. Mais alors l'essor donc des missions qui avaient charge de ramener de la matière sonore date donc de 1945, 1946. Oui. Et vous vous souvenez, vous, des premières missions importantes dont le Musée de l'Homme a pris l'initiative? Oui, il y a eu notamment la mission Ogoué-Congo, à laquelle a participé Gilbert Rouget, et où ils ont enregistré énormément de musique de la région équatoriale, de très belles musiques, qui ont été après ça reportées sur disque à 78 tours. Ce n'était pas encore le micro-sillon. Enfin, de très bons disques. Vous venez de me citer un nom, Gilbert Rouget. Il est très connu dans le domaine de l'ethnologie musicale, notamment par l'édition d'un certain nombre de disques qui touchent, il est vrai, le grand public. C'est pour ça que nous les connaissons. Mais y a-t-il une équipe de prospecteurs et de chercheurs importante, et comment se décide et se déroule l'émission? La recherche scientifique accorde des subventions à des ethnographes qui emportent très souvent des magnétophones. Et comment travaillent-ils sur place? Ils sont laissés à leur propre initiative? Ils sont laissés à leur propre initiative, ayant d'ailleurs fixé un objet d'étude, soit. Et à leur retour, quel est le travail de dépouillement de toute cette matière enregistrée? Comment cela se passe-t-il? Autant que possible, nous convertissons les enregistrements en micro-sillons. Autant que possible. Et vous collaborez avec une firme commerciale? Oui, et nous collaborons avec une firme commerciale. Contrepoint nous a beaucoup aidé. Par la suite, ça a été la boîte à musique, etc. Pour vous donner un exemple, des musiques que l'on peut recueillir dans des pays comme le Dahomey, j'aimerais vous faire entendre trois enregistrements très différents, mais qui ont tout de même été pris dans le même pays. L'un a été pris par Rouget, c'est un chant de femme nago, donc participant à une société secrète. Après cela, vous allez entendre deux enregistrements pris par la radiodiffusion d'outre-mer, toujours au Dahomey, un xylophone sur jambes, c'est-à-dire quatre poutres de bois. L'homme est assis par terre, les jambes étendues. Il a disposé sur ses jambes quatre poutres de bois qui, chacune, a un son particulier et il joue de cet instrument à percussion. Je vous ferai entendre en dernier, également enregistré par Duvel pour la radiodiffusion d'Outre-mer, un orchestre presque uniquement de percussions, mais avec des instruments très particuliers. Vous avez deux tambours d'eau, c'est-à-dire des tambours constitués par une calebasse qui est retournée sur l'eau et que l'on frappe. Un tambour qui n'a pas de peau, c'est une cruche dont l'ouverture est frappée par une espèce de chiffon, par une peau si vous voulez, et également d'autres types de percussions comme cloches, etc. Ça fait un ensemble extrêmement remarquable. Mais vous-même, vous avez participé à des missions, notamment en Afrique noire, et je suppose que vous avez ramené de la matière sonore. Relativement peu, car malheureusement, j'ai eu deux missions en 45 et 48, où on ne disposait pas d'appareil à ce moment-là. Ce n'est qu'en 54 que j'ai pu de nouveau me servir d'enregistrement. Là, j'étais en 54 sur la côte de Guinée, chez les Baga. Il y avait un seul rituel qui fonctionnait. On n'entendait pas d'autre musique que celle-là. Il s'agissait de l'initiation des garçons. On m'a laissé pénétrer dans la forêt où les garçons sont initiés et j'ai pu enregistrer des chants extrêmement sauvages qui ne sont chantés que dans la forêt, jamais à l'extérieur de la forêt, accompagnés par, si vous voulez, le maître du rituel, qui sont très particuliers. En 1958, j'étais chez les Bété. Les Bété sont à peu près au centre de la Côte d'Ivoire. Là, la musique n'avait pas grand intérêt, mais j'ai étudié alors le langage. J'ai fait des enregistrements uniquement de langage, qui j'espère serviront aux linguistes. Précisément, l'enregistrement de la matière sonore sert non seulement à l'étude de la musique primitive, mais elle sert aussi à l'étude... aux études linguistiques. Est-ce que vous avez des renseignements et des précisions à me donner à ce sujet? Puisque nous avons parlé tout à l'heure de Gilbert Rouget, qui a travaillé au Dahomey, Gilbert Rouget a rapporté un matériel du sud du Dahomey qui intéresse aussi bien les musicologues que les linguistes. Il a même constitué par ses enregistrements une espèce de dictionnaire de vocabulaire d'une langue qu'on ne connaissait pas du tout, la langue Goun. Vous avez donc nettement l'impression que l'enregistrement sonore a fait faire un bond assez important à l'ethnologie musicale. Ah oui. Et notamment depuis l'invention miraculeuse du magnétophone et surtout du magnétophone portatif et autonome. Oui. C'est-à-dire que maintenant les chercheurs partent comme nous autres à la radiodiffusion française, avec un petit appareil en bandoulière. Oui, en bandoulière qui pèse tout de même un peu. Et je vous ai parlé tout à l'heure de l'Afrique, en ce qui vous concernait personnellement. C'est un peu restrictif. Oui, c'est restrictif. Il y a évidemment des enregistrements nombreux qui viennent des cinq parties du monde. Oui. Alors notamment en Amérique du Sud, dans les régions de forêt, les régions équatoriales, on a fait des enregistrements extrêmement intéressants qui ont révélé l'existence d'une polyphonie primitive, d'abord instrumentale, des flûtes et des trompes, des grandes trompes, ensuite de la polyphonie purement vocale, qui ne doit absolument rien, et pour cause, à la polyphonie de notre musique européenne. En Océanie, on a tout de même pu faire des enregistrements en Nouvelle-Guinée, musique très particulière, dans des îles aussi connues ou qui paraissaient aussi connues que Java et Bali, on a enregistré des petits gamelans de village qui sont tout à fait différents des grands gamelans classiques des princes. À propos de gamelans, justement, je peux vous faire entendre une musique de guimbarde. La guimbarde, c'est un instrument répandu dans le monde entier, même en Europe, en Italie en tout cas, en Suisse, dans les Balkans, et qui est composé d'une simple languette, soit de métal, soit de bambou, que l'on fait vibrer devant la bouche entrouverte. Or, les gens de Bali se servent de la guimbarde de bambou. Ils arrivent avec ce simple petit instrument, qui est réellement l'un des plus primitifs que l'on connaisse, à imiter le gamelan, c'est-à-dire un orchestre entier. Et vous allez entendre six airs, si j'ose dire, six airs de gamelan reproduits par la guimbarde. Sonore est un phénomène qui tient du miracle, tout au moins en ce qui me concerne, il m'étonne toujours. Et je voudrais savoir, d'après vos expériences personnelles, comment est accueilli ce miracle, cette magie, par les indigènes que vous avez fréquentés. Quand vous avez enregistré leur chant, leur danse, est-ce qu'ils ont écouté ensuite ce que vous aviez fait? Quelle a été leur réaction? Très étonné, mais agréablement surpris. Et comment ont-ils interprété? Oh, pour eux, ça leur paraissait facile, étant donné qu'ils connaissent la photographie. Du moins, les indigènes que j'ai connus. Pour eux, puisqu'on peut photographier les choses, on doit pouvoir photographier les sons aussi. Tout de même, maintenant, la radio est connue dans beaucoup de régions. Ils ne voient pas de différence entre radio et magnétophone. Mais tout de même... Et le transistor, maintenant, se répand, malheureusement. Mais tout de même, il y a des peuplades qui, sans être entièrement coupés du monde civilisé sont quand même très en marge. Est-ce qu'il ne reste pas des peuplades qui ne connaissent pas toutes ces inventions telles que la photo ou l'aviation? L'aviation, ça me paraît extraordinaire. Ça, et ils ont vu des avions. Ils ont vu les Européens photographier, en tout cas. Et ils ont vu le résultat. Et jamais il n'y a eu de résultat fâcheux, comme une sorte de magie suspecte de la part d'un Européen qui se permet d'enregistrer leur voix ou de photographier leur visage. J'ai vu des résistances tout de même au Soudan vers l'année 31, des gens qui ne voulaient pas que l'on enregistre leur voix. Est-ce qu'ils trouvent à cela une origine mystique ou religieuse? Non, parce que pour eux c'était prendre leur personne, ça. Je vais maintenant m'adresser plus spécialement au président de la Société française de musicologie. Et je pense personnellement que son enthousiasme pour l'enregistrement sonore pourrait être davantage nuancé dès qu'il s'agit de reproduire des œuvres de musique, disons civilisée, ce qu'on appelle la musique traditionnelle au sens européen du mot. Musique classique. Musique classique, je n'osais pas le dire. Quand nous reproduisons, quand nous enregistrons pour la reproduire, cette musique qui a été conçue justement pour des exécutions vivantes et non pas pour des exécutions qui pourraient être considérées par leurs auteurs comme une certaine trahison, tout au moins une transposition. Quel est votre point de vue? Il ne faut pas oublier que les musiques que nous enregistrons dans les pays lointains, ce sont des musiques de plein air. Là, il y a participation du public. Le public ne reste pas quoi? Il se mêle à la musique. Nous n'avons pas cette distance entre les auditeurs et les musiciens. De plus, on ne peut pas éviter certains bruits. Votre opinion est donc différente du fait que la musique primitive est une musique essentiellement différente de la musique qu'ils ont civilisée. C'est-à-dire que cette musique primitive participe étroitement à la vie collective des peuplades. Absolument. Et est en général, correspond à un certain rituel. Alors, correspond à un certain rituel, mais il y a également une musique profane. Il y a des gens qui jouent de la musique pour eux-mêmes. Mais tout ça, c'est au milieu des bruits du village. Nous sommes très loin de la musique enregistrée en studio. Et précisément, est-ce que vous êtes partisan, en ce qui concerne notre musique, des enregistrements en studio, coupés en somme du monde, dans ce froid étrange que constitue un studio d'enregistrement, où le public ne participe absolument pas et où le chef d'orchestre ou le soliste est simplement devant une glace avec derrière les yeux, quelquefois un peu détachés, des techniciens. Est-ce que vous pensez que c'est une manière correcte de faire de la musique? Ce n'est peut-être pas une manière correcte, mais je dis que tant qu'à faire, je préfère le studio. Vous préférez le studio. Ça veut dire que lorsque vous êtes chez vous dans votre salon et que vous écoutez des disques, vous êtes pleinement satisfait. Oui. Vous n'avez absolument pas besoin de la communion de vos semblables. J'en fais mon deuil. Cela tient à votre nature? Je ne sais pas. Cela tient à un parti pris d'esthétisme? Oui, peut-être un parti pris esthétique. Mais est-ce que vous pensez que le disque, l'enregistrement plutôt, a atteint ce degré de fidélité, que l'on dit haute fidélité, d'ailleurs souvent à tort, c'est un terme bien galvaudé, mais disons, est-ce que cette haute fidélité est vraiment pour vous fidèle? Pas tout à fait. Pour certains timbres d'instruments, certainement pas. On a fait d'énormes progrès, et en quelques années même, d'énormes progrès. Mais enfin, je suis quelquefois gêné par le timbre de certains violons. Vous faites donc votre deuil, comme vous disiez tout à l'heure, d'une certaine fidélité. C'est donc que vous avez des compensations. Lesquelles? La compensation d'avoir chez soi toutes les plus belles musiques. Précisément, le fait d'avoir chez vous toutes les plus belles musiques, quand vous dites cela, vous pensez aussi aux plus belles interprétations. Je pense d'abord aux plus belles interprétations. Et évidemment, c'est là un point crucial. Est-ce que le disque qui a perfectionné les interprétations les a aussi fait évoluer dans le bon sens du terme? Je veux dire par là que l'interprétation un peu fabriquée que nous connaissons dans les studios, qui n'est pas tout à fait spontanée, car elle est souvent le résultat de plusieurs prises. Et mon Dieu, vous savez que l'on prend là-dedans ce qu'il y a de meilleur, qu'on met tout ça bout à bout et que cela fait une interprétation géniale. Est-ce que ces interprétations ont pour vous la valeur de grandes interprétations que vous avez pu apprécier au concert? Non. Non, tout de même pas. Et en ce qui concerne plus spécialement le théâtre, l'opéra? Bien, le théâtre, l'opéra, j'ai besoin du spectacle. Je m'en prive pour entendre de beaux enregistrements. Ce n'est pas comme cela que je dois entendre l'opéra. Je ne veux pas avoir Santini, Toscanini, des Sabata chez moi, à ma disposition, n'est-ce pas? Si nous revenons à la notion de haute fidélité et de vérité, je pense qu'il est impossible, et tous les ingénieurs les plus doués soient-ils, ne parviendront pas à combler ce fossé, cet abîme qu'il y a entre la vérité musicale, la vérité du réel, un certain réalisme, et ce que nous donne le disque. Mais nous pourrions peut-être dire que cette fidélité est une transposition. Et là, c'est peut-être une explication de vos réactions. Vous dites peut-être, vous pensez peut-être, qu'importe la cuisine, qu'importe l'original, pourvu que ce qui sort de ce haut-parleur, ou de ces deux haut-parleurs, si vous êtes en stéréophonie, bien si ce qu'on me donne me satisfait pleinement. Tout de même, je fais une différence. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, l'importance qu'a eu le disque dans la vie musicale, non pas depuis l'origine, car au début, mon Dieu, c'était bien imparfait, mais par exemple depuis 1935. Est-ce que le disque a vraiment aidé la musique à se répandre? Ça, je crois, absolument. Mais est-ce que, par contre, vous n'avez pas l'impression que cette vulgarisation a abouti quelquefois à un certain galvaudage? Il y a un galvaudage aussi. Et quelle est la meilleure solution? Y a-t-il une manière de lutter? Y a-t-il une manière, par exemple, d'apprendre au public, d'apprendre à ce public qui achète des disques en des quantités vertigineuses, à savoir écouter ces disques? Vous avez tout de même des discussions entre discophiles à la radio. Ceci devrait conduire justement les gens à juger mieux de la musique. Voyez-vous, pour moi, la musique est un acte sacré, un acte exceptionnel, et l'idée de tous ces mélomanes, ou ces soi-disant mélomanes, qui mettent à toute heure du jour les grands chefs-d'œuvre sur leur plateau, ou bien même qui tournent aussi facilement le bouton de leur poste de radio pour écouter les grands chefs-d'œuvre, je trouve qu'il y a un certain gâchis. Oui, il y a un gâchis. Est-ce que vous continuez tout de même à aller au concert? Et je continue d'aller au concert. Un peu moins peut-être qu'auparavant, je le reconnais. Un peu moins également au théâtre, enfin du moins à l'opéra, parce que de certaines œuvres, j'ai une exécution parfaite et je crains de ne pas la retrouver. Le fait que vous vous dérangiez quand même avec toutes les difficultés que nous connaissons pour aller au concert ou au théâtre, c'est ce qui prouve quand même, et je voudrais vous le faire dire, que vous y trouvez quelque chose de plus. J'y trouve quelque chose de plus. D'abord, j'ai besoin de voir la musique. J'ai besoin de voir les musiciens exécuter. Pour moi, la musique, qu'elle soit instrumentale ou théâtrale, est un spectacle. Vous dites que vous en privez avec le disque. Je vais pourtant vous demander de m'organiser un concert. Un concert avec les œuvres que vous aimez et un concert avec des disques. Alors, que nous proposez-vous pour commencer? Je vous proposerai d'abord, puisque vous m'avez interrogé à titre d'ethnographe, d'ethnologue, je vous proposerai le scherzo du cinquième quatuor de Bartok. Ce scherzo est appelé scherzo, je traduis en français, à la bulgare. Il est appuyé sur un rythme dit boiteux, aksak on dit en turc, qui n'est pas bulgare, n'est pas particulièrement bulgare, que certainement les Bulgares ont emprunté aux Turcs, et qui a frappé beaucoup des musicologues et musiciens comme Bartok et mon ami Brailoyou. Ce sont des mesures composées de temps inégaux, non pas des mesures avec des croches ou des noirs égales, mais des croches qui sont augmentés ou ont très diminué. Et vous avez des nombres absolument irrationnels, d'où le nom de boiteux, parce que réellement on a l'impression que le rythme boite. Quand Bartok a composé ce quatuor, à ce moment-là, on croyait que ce rythme était seulement bulgare. Depuis, les Turcs ont réagi, ont dit qu'il était turc, soit, et qu'il s'appelait Akzak, qui veut dire exactement boiteux. Le même mot, d'ailleurs, se trouve en arabe, ou à peu près. Mais on a retrouvé les mêmes rythmes boiteux dans d'autres musiques populaires d'Europe, mais également extra-européennes. Récemment, j'ai entendu des musiciens de l'Inde. À un moment donné, c'était nettement un rythme boiteux qui était frappé sur la tabla, c'est-à-dire le tambour. Thank you. Ce scherzo à la Bulgare du cinquième quatuor de Bartok était interprété par le quatuor Julliard. Ceci nous ramène à l'ethnographie. Je voudrais m'en dégager un peu. Un très bel enregistrement, pour moi, c'est Pierrot Lunaire de Schoenberg par Boulez. Et là, Boulez s'est posé des problèmes qui intéressent tout de même les ethnographes, car il s'agit d'un chant qui n'est pas exactement du chant, de la parole qui n'est pas exactement parlée, toutes choses que l'on retrouve aussi bien dans des musiques nègres que dans des musiques de l'extrême Asie, et peut-être ailleurs. Finstre schwarze Wiesenfalter töteten der Sonne Glanz. Ein geschlossenes Zauberbuch ruht der Horizont verschwiegen. Aus dem Qualm verlorener Tiefen steigt ein Duft, Erinnerung mordend, finstre, schwarze Riesenfalter töteten der Sonne Glanz. Und vom Himmel erdenwärts senken sich mit schweren Schwingen unsichtbar die Ungetüme auf die Menschenherzen nieder. Finstre, schwarze Riesenfalter. Pierrot, mein Lachen hab ich verlernt, das Bild des Glanzes zerfloss, zerfloss. Schwarz weht die Flagge mir nun vom Mast. Pierrot, mein Lachen hab ich verlernt. Oh, gib mir wieder Ross als der Seele, Schneemanden Lyrik, durchlaucht vom Monde. Pierrot, mein Lachen. Rote fürstliche Rubine, blutgetropfen alten Ruhmes, schlummern in den Totenscheinen, drunten in den Grabgewölben. Nachts mit seinen Zechkumpanen steigt Pierrot hinab zu rauben. Rote fürstliche Rubine, blutgetropfen alten Ruhmes. Doch da sträuben sich die Haare, bleiche Furcht brannt sie am Platze. Durch die Finsternis, die Augen stieren aus den Totenscheinen, rote fürstliche Rubine. Zu grausem Abendmahle, beim Blendeglanz des Goldes, beim Flackerschein der Kerzen, naht dem Altar Pierrot. Wird seine letzte Geliebte sein. In seinem Hirn steckt wie ein Nagel die dürre Dirne mit langem Halse. Schlank wie die Biene am Hals, ein Zöpfchen, wollüstig führt sie den Schirm um Hals. Die dürre Dirne. Der Mond, ein blankes Tücken schmiert, auf einem schwarzen Seidenkissen, Gespenst. Groß dreut hinab durch schmerzend dunkle Nacht. Pierrot irrt ohne Rast umher und starrt empor in Todesängsten zum Mond, die blanke Türken schwert auf einem schwarzen Seidenkissen. Geschlotten unter in die Knie, ohnmächtig bricht je zusammen, er weht, es aus Strafen schon auf seinen Sinnen, als er nieder der Mond. Das blanke Türkenschwert. Tod das Haupt, erstarrt die Locken. Fern verweht der Lärm des Pöbels. Langsam sinkt die Sonne nieder. Eine rote Königskrone. Heil der Kreuze sind die Verse. C'est la seconde partie de Pierrot Lunaire que nous venons d'entendre, c'est-à-dire les numéros 8 à 14 de la partition. La récitante était Helga Pilarczyk. Quant à la direction, elle était confiée à Pierre Boulez à la tête d'un ensemble instrumental composé de Maria Bergman, piano, Jacques Castagnier, flûte et piccolo, Guy Deplu, clarinette, Louis Montaigne, clarinette basse, Lubén Jordanov, violon, Serge Collot, alto et Jean Huchaud, violoncelle. Venons à des disques plus récents. L'Académie Charles Cros imprimait Don Carlos de Verdi dans l'enregistrement de Santini. J'aimerais qu'on entende cette scène extraordinaire qui est le dialogue entre le roi Philippe et le grand inquisiteur. Quand on pense que cette œuvre a été composée avant 1870, et qu'on trouve là tout de même des choses qui annoncent et Boris et la tétralogie. On voit combien Verdi a été un précurseur. Voici donc le début de ce quatrième acte de Don Carlos. Philippe est d'abord seul en scène, méditant, quand survient le grand inquisiteur. Au cours de ce dialogue, lourd et dramatique, il sera question du sort de l'enfant Don Carlos. Philippe, Boris Christophe, l'inquisiteur Ivo Vinco. L'orchestre et les chœurs sont ceux de la Scala de Milan, direction Gabriele Santini. Thank you.

Potranno in me tutto certo.

mi trovo io qui. Che vuol il re da me? C'était la grande scène du quatrième acte de Don Carlos, de Verdi, entre Philippe Boris Christophe et l'inquisiteur Ivo Vinco, direction Gabriele Santini. Mais tout à l'heure, André Scheffner, vous m'aviez parlé de Boris. J'ai parlé de Boris. Nous avons l'enregistrement soviétique de Boris. Le dernier tableau, qui est la forêt de Kromy. Il est intéressant de l'entendre en dehors du spectacle. D'abord, il est très bien enregistré, c'est très bien exécuté, très bien enregistré, mais on est surpris comme quoi ça annonce déjà Noces de Stravinsky. Et je crois que si on était au théâtre, on ne le remarquerait pas. Mais justement, l'enregistrement isole. J'ai d'ailleurs fait souvent cette expérience avec mes propres disques. Passant d'un disque à un autre, et voyant des différences que peut-être au concert on ne remarquerait pas. Prenez cet exemple. Faites entendre la danse de Salomé immédiatement après une œuvre de Stravinsky. Vous apercevez que c'est un tempo tout à fait différent. Vous n'en remarqueriez peut-être pas autant au concert. D'abord, on ne ferait pas entendre la danse de Salomé avant Noces, par exemple. Jamais ça ne s'est produit. Mais il y a des rapprochements et des oppositions très curieuses. Voici donc cette scène de la forêt de Kromy qui, dans la version du théâtre Bolchoï de Moscou, est placée tout à fait en fin de spectacle, après la mort de Boris. La troupe est celle du Grand Théâtre de Moscou, sous la direction de Melik Patchaïev, chef des chœurs Ribov, et le rôle de l'innocent est tenu par le ténor Grégoriev. Oh, другой богоотступника, проклятой рукой царя-убийцы, расставление греха незамолимого. Поганое, подика тоже возглашают царевича. Не попустим, отец Исаил, не попустим. Yeah.

Vous avez entendu la scène finale de Boris Godounov dans la version du Grand Théâtre de Moscou, sous la direction de Melik Patchaïev. Parmi les disques l'Académie Charles Cros a primés, il y a une série d'enregistrements d'orgue et qui ont comme premier intérêt d'être enregistrés sur des orgues de certaines régions. Ce n'est pas un orgue de studio, ce n'est même pas un orgue d'une des grandes églises de Paris ou d'une des grandes églises d'une capitale, ce sont des orgues de petites localités, et notamment l'orgue de Covarrubias, qui est une toute petite localité espagnole. Vous entendez en ce moment des œuvres de Corea de Araújo par Francis Chaplet à l'orgue historique de Covarrubias, à l'instant Tiento du septième ton, à présent un autre Tiento du septième ton suivi d'un Tiento du quatrième ton. Thank you.